Macron appelle à une union de projets après les européennes. Dans un climat politique marqué par la progression constante des forces d'extrême droite dans les intentions de vote pour les élections européennes, Emmanuel Macron a lancé ce lundi un appel solennel à la constitution d'une union de projets. Depuis l'Élysée, le président a esquissé les contours d'une stratégie renouvelée pour la majorité présidentielle, invitant les forces centristes, écologistes et social-démocrates à dépasser leurs divergences pour construire un programme commun axé sur la souveraineté européenne, la transition écologique et la réindustrialisation. Il ne s'agit plus de coalitions électorales, mais d'alliances sur le fond, a insisté le chef de l'État, conscient que l'effritement du socle macroniste nécessite une refondation idéologique. L'appel intervient alors que les sondages placent le Rassemblement national en tête, bien devant Renaissance. Des concertations sont attendues dans les prochains jours, notamment avec les partenaires du Modem et d'Horizon.